Laissez-moi seul dans cet état second, car chaque seconde que je passe ici me paraît belle. J'aimerais que tous les hommes passent par ici voir l'étincelle qui tient mes yeux rivés vers l'au-delà, vers l'autre ciel. Ce monde est trop grand pour mes tout petits bras. Croyez-moi, je n'en peux plus, je préfère être là. Dans cette civière allongée, je ne pense à rien. Et je vois ma vie défiler, mais je te jure que c'est trop bien. N'essayez pas de me faire revenir de l'autre côté. Moi, j'ai trop donné, trop encaissé, donc j'ai sauté. Et dans ma chute, j'ai vu Dieu qui m'a ouvert les bras. Il m'a dit mon fils, sois le bienvenu, je ne t'en veux pas. Ici les rêves sont exaucés, on prend soin de toi. Ici je peux sourire, dire je suis heureux pour la première fois. Donc ne vous acharnez pas, laissez-moi partir, laissez-moi revivre, construire une vie que dans ce foutu monde je n'aurai pas. Non. Je ne me battrai pas, moi je me laisserai partir quoi qu'il en soit. Ici je ne laisse rien aux quelques pleurs. De toute façon ma vie n'a pas de charme ni de couleur. Alors pourquoi veulent-ils absolument me sauver si je ne suis rien qu'un petit point effacé? Je sens cette force m'attirer, ce désir me prendre. Je sens pour eux ça se corde, j'aimerais juste qu'ils m'entendent. Alors je lève le bras une dernière fois pour qu'ils arrêtent. Puis je ferme mes yeux parce que je sais qu'ils s'entêtent. J'ai pris ma décision et maintenant il faut qu'y aille. Alors je me laisse partir au milieu de ce champ de bataille. Que l'on me juge, encore moins que l'on croit que c'est une peine que je purge. Ce sont mes derniers mots, mes premiers instants magiques. Alors de tout là-haut, je vous embrasse et je vous quitte. Ce sont mes derniers instants qui pour moi sont pas tragiques. Alors de tout là-haut, je vous attends mais pas trop vite.